Le carnet de philosophie, Géraldine, vous ne voulez pas revenir sur la séquence entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la journaliste Apolline de Malherbe, mardi. Je ne reviendrai pas, Guillaume, sur cette séquence précise qui a déjà été beaucoup commentée, qu'il s'agisse du sexisme, de l'accusation sous-entendue d'hystérie, de la grossièreté, pour ne pas dire l'agressivité de Gérald Darmanin, de la rhétorique douteuse, ou encore du bilan peu reluisant en termes d'égalité femmes-hommes du gouvernement. Je crois que tout a été dit. Toutefois, évidemment, une chose m'a marquée, celle de l'injonction, au-delà du genre et des dimensions partisanes, à se calmer. En général, peu de choses donnent autant envie de sortir de ses gonds que l'appel au calme. Paradoxalement, et ça se vérifie à tout âge, quand il est demandé de se maîtriser, on a plutôt envie de péter des portes. Rien que l'idée de se calmer, de se maîtriser, de se contenir, fait d'emblée penser, et même plus, réveille des tendances au débordement. Ce qui n'est pas seulement paradoxal, mais soulève cette interrogation, appelé au calme, est-il toujours un appel dans le vide ? C'est vrai que c'est une bonne question, et alors comment y répondez-vous ? Alors déjà, il faut quand même remarquer que la question du calme a toujours passionné les philosophes, notamment dans l'Antiquité, qu'ils prennent le nom de maîtrise, prudence, harmonie, équilibre, contenance, ataraxie, eutymie, j'ai découvert hier, paix, constance ou de tranquillité, comme ici par exemple chez Sénèque. Nous cherchons à découvrir comment l'âme, marchant toujours d'un pas égal et sûr, peut être en paix avec elle-même, contempler avec joie les biens qui lui sont propres, se maintenir toujours dans un état paisible, sans jamais s'élever ni s'abaisser. Telle est, selon moi, la tranquillité. C'est très bien dit. L'enjeu, les débordements qui troublent l'âme, dérèglent le corps, contaminent l'espace politique, empoisonnent l'existence et rendent malheureux. De là, bien sûr, la valorisation du calme comme ce qui manifeste l'équilibre face à tous les excès qui nous guettent. Valorisation qui a justement de quoi troubler, non seulement car la quête, pour ne pas dire l'entêtement à trouver la paix, semble avoir elle-même quelque chose de l'excès, mais semble par là même avoir sacrément fait dériver le calme lui-même. Pour preuve, la manière dont le calme est toujours entendu aujourd'hui comme le calme plat, soit comme un calme excessif. Ce qui ressemble à un contresens du calme lui-même, non ? Exactement, ce qui ressemble surtout à un contresens du calme tel qu'on peut le concevoir, car il n'est pas une absence totale de plaisir ou de douleur, mais un contrôle de ses plaisirs et de ses douleurs, et la nuance est importante et même cruciale. Par exemple, reprenons la citation de Sénèque, « L'âme marchant d'un pas égal, se maintenir dans un état paisible, ou encore sans jamais s'élever ni s'abaisser. N'est-ce pas la preuve qu'il ne s'agit pas d'éradiquer toute émotion, mais de les réguler ? Revenons alors maintenant aux deux cas de figure classiques où apparaît cette injonction fatale du « calmez-vous » ou « reste tranquille », ça marche aussi. D'une part, le cas de figure où elle s'adresse par exemple à une foule en délire, soit déjà en état effectif de non-calme, et d'autre part, le cas de figure où elle provient d'une personne qui va anticiper le potentiel explosif de la situation. Ce qui est intéressant, c'est que dans le premier cas, l'appel au calme correspond parfaitement à l'idée antique que le calme est nécessaire pour réguler une situation déjà déchaînée. Mais dans le second cas, le cas Darmanin par exemple, au pif, l'appel au calme vient précisément générer le contraire, puisque rien n'était encore déréglé. Et c'est précisément là que tout s'éclaire, qu'un calme-toi devient une bombe, hélas lâchée par celui qui commençait déjà à péter les plombs.